soi-disant fraternité. Comment taire les attaques, les tracks et les détecteurs maniaques? As-tu déjà vu un tsunami dans le regard d'un homme? As-tu juste compris la tyrannie qui nous passait? La guerre des terres avec c'est l'homme qu'on enterre. Alors c'est pour les frères de Palestine qu'on sort le fer. Y'a trop de mauvais critères qu'on couchait des corps sur civières. Y'a trop de sang coulé qu'on formait des rivières. Toujours la loi des frontières, brisons ces frontières. Pourquoi ces frontières alors qu'elles autorisent la misère? C'est dans les livres que le mensonge se libère. Dans les médias c'est l'exécution d'un peuple dans l'immédiat. Qui peut dire qu'on vit une vie pleine d'envie? On se plaint d'un mauvais pli alors qu'ailleurs le silence écrit. Triste terre, triste mer, t'as ce goût amer créé par tes progénères, le même qui fabrique des armes et la poudrière. On aura beau faire mille et un ouvrages, ça n'enlèvera jamais le carnage. La soif du pouvoir de l'État se propage, résume même leur propre page. Les cris décrits jamais ne s'écrit, de nos jours plus personne n'est surpris. Qu'un peuple est pris à autrui, des innocents qu'on détruit, aucune famine n'est à l'abri des bombes et des débris. Un bref résumé d'un peuple trop affamé. De ses actes, les coupables ne seront que présumés. La sainte terre part en fumée, l'humain seul a consumé. Qui aura seulement le courage de pas seulement parler? C'est des villes et des villages qui ont brûlé, à bombarder des montagnes et des vallées. Y'a trop de familles traumatisées, avec la violence attisée, des cadavres trop courtisés, la rage, la violence, les abysses. Comment taire les attaques, les traques et les détecteurs maniaques? Où est la liberté, l'égalité, c'est soi-disant fraternité? La liberté est enfermée à double clé, l'égalité a trop souvent été additionnée. La fraternité a simplement été assassinée. Des fleurs ont trop souvent été dessinées. La voix d'un peuple a été assommée. Alors, douce offrande, tu fais que cautionner. Les débats dépassionnés ne font rien avancer. Triste vie, rescapée qui finissent handicapés. De ces guerres saines qui peut y échapper. C'est la preuve de cette ignorance et ce déluge de violence et le préluge de l'impatience. Chacun y va de son hypothèse alors que les solutions sont laissées en parenthèse. La preuve que l'humain se conforte dans ses charentaises pendant que les enfants ont besoin d'une prothèse. Que font les hommes d'État peine narrative sur leur chaise? C'est tellement plus facile quand les voix se taisent. La torture, les mauvais traitements causés contre les Palestiniens, causés par les soldats israéliens. Des hauts responsables du Hezbollah ont déjà été enlevés durant les années 80 au Liban, puis enfermés. Ont été détenus dans le centre 1380 pendant des années. Mais ce lieu de torture n'a jamais été dévoilé. As-tu déjà vu un tsunami dans le regard d'un homme? As-tu juste compris la tyrannie qui nous passait? La guerre des terres avec c'est l'homme qu'on enterre. Alors c'est pour les frères de Palestine qu'on sort le fer. Y'a trop de mauvais critères qu'on couchait des corps sur civières. Y'a trop de sang coulé qu'on formait des rivières. Toujours la loi des frontières, brisons ces frontières. Pourquoi ces frontières alors qu'elles autorisent la misère? C'est dans les livres que le mensonge se libère. Dans les médias c'est l'exécution d'un peuple dans l'immédiat. Qui peut dire qu'on vit une vie pleine d'envie? On se plaint d'un mauvais pli alors qu'ailleurs le silence crie. Triste terre, triste mer, t'as ce goût amer créé par tes congénères, le même qui fabrique des armes et la poudrière. On aura beau faire mille et un ouvrages, ça n'enlèvera jamais le carnage. La soif du pouvoir de l'État se propage, résume même leur propre page. Les cris décrits jamais ne s'écrit, de nos jours plus personne n'est surpris. Qu'un peuple est pris à autrui, des innocents qu'on détruit, aucune famine n'est à l'abri des bombes et des débris. Un bref résumé d'un peuple trop affamé. De ses actes, les coupables ne seront que présumés. La sainte terre part en fumée, l'humain seul a consumé. Qui aura seulement le courage de pas seulement parler? C'est des villes et des villages qui ont brûlé, à bombarder des montagnes et des vallées. Y'a trop de familles traumatisées, avec la violence attisée, des cadavres courtisés, la rage, la violence, les abysses. Comment taire les attaques, les traques et les détecteurs maniaques? Où est la liberté, l'égalité, c'est soi-disant fraternité? La liberté est enfermée à double clé, l'égalité a trop souvent été additionnée. La fraternité a simplement été assassinée. Des pleurs ont trop souvent été dessinées. La voix d'un peuple a été assommé. Alors, douce offrande, tu fais que cautionner. Les débats dépassionnés ne font rien avancer. Triste vie, rescapée qui finissent handicapés. De ces guerres saines qui peut y échapper. C'est la preuve de cette ignorance et ce déluge de violence et le préluge de l'impatience. Chacun y va de son hypothèse alors que les solutions sont laissées en parenthèse. La preuve que l'humain se conforte dans ses charentaises pendant que les enfants ont besoin d'une prothèse. Que font les hommes d'État peine narrative sur leur chaise? C'est tellement plus facile quand les voix se taisent. La torture, les mauvais traitements causés contre les Palestiniens, causés par les soldats israéliens. Des hauts responsables du Hezbollah ont déjà été enlevés durant les années 80 au Liban, puis enfermés. Ont été détenus dans le centre 1380 pendant des années. Mais ce lieu de torture n'a jamais été dévoilé.